J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Je viens la chercher, elle m'a dit sois là à 10h. Je n'ai plus une seconde à moi, puisque je lui ai tout donné, tout donné. Qu'est-ce que j'ai fait encore de mon ticket de parking? J'ai dû le perdre tout à l'heure au lavatory. Si elle croit que je vais lui donner 10 centimes pour aller pisser, c'est râpé. On annonce que l'avion de Buenos Aires est arrivé. Je remonte en courant l'escalier. Je bouscule des filets, des hommes maquillés. Et je cours jusqu'à la porte. J'ai l'air. Voyageurs qui sortent sont tous plus ou moins pressés. Dis-moi Carolina, pourquoi tu n'es jamais pressée? Déjà la semaine dernière, tu as dû sortir la dernière de l'avion. Je ne veux plus attendre encore, mes fleurs sont fanées. La Renault rouge qui est dans le hall commence à tourner. Elle rougit les vitres fumées et je vois le Boeing entrer dans l'entrée. Je m'installe, le commandant me dit bonjour, comment ça va? Alors vous êtes enfin de retour. Plan de vol, regardez encore une fois comme le ciel est grand, car nous allons revenir dedans, dedans. Descend to 1,700.